chè, kapten yon van soufle, polisis pan pandye. Tan kon bwa pouri lo bote, ki kote l poal gore, kon sa m senti la vi a poale. Nou feb nou fragil expose, binga binga danje, talo kon sa gate. Misil koka inachive, yon l'eglise yap chache. Sak pase Alex avec Joujou. Yon domi vole tout moun, ki les kap jan mounen. Sak fèt la vey nan riye lounen. Senel nan gran kal fou fel si span ban pan sou. Si te ka chase tout bos pet, wet la hen met l'amou. Wala fet nou ta fe nan la gou. Yon domi vole louloun, se la vil tap chache sa ka rive tout moun. Yon domi vole tout moun, si nou viv nou pa moun. Nou pa moun, nou pa moun. Expose, binga binga danje, talo kon san gate. Misil koka inachive, yon l'eglise yap chache. Des amourete, bezwen marye. Yon domi vole louloun, se la vil tap chache, sa ka rive tout moun. Yon domi vole tout moun, si nou viv nou pa moun, nou pa moun. Yeah.